cours numéro 4. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Fi darsina al-akhir, akhadna min kalam al-muallif rahimahullah, qawlahu asluddin wa qa'idatuhu amran. Dans le dernier dars, on a étudié ensemble ces deux points. Al-Din, il est fondé sur ces deux points. Asluddin wa qa'idatuhu. Fama huwa al-amr al-awwal? Tafaddal. Al-amr bil-ibadati lillah wahdahu la sharika lah wa tawhidi wa tahridi ala dhalik. Na'am. Kadhalik. Al-mubalaghatu fihi takfur min taraka. Wa takfir man taraka. هذا أمر عظيم. الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. ما معنى هذا وما الدليل؟ C'est quoi l'explication de cette partie de cette phrase et avec un دليل عند من؟ تفضل. تعبد الله وحده لا شريك له. نعم. والدليل. والدليل. قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. نعم. أي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. يونيفي الله سبحانه وتعالى في العبادة. من يذكر دليلا آخر على هذا الأصل العظيم؟ تفضل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قوله والتحريض على ذلك والموالاة فيه. التحريض ما معنى هذا؟ التحريض على ذلك. نعم. الحث على ذلك. الدعوة إلى هذا الأصل العظيم التوحيد. أي أبلي هذا. والموالاة فيه. ما معنى الموالاة هنا؟ الولاية قلنا بمعنى ماذا؟ deux choses, deux points, القرب والمحبة. C'est ça le ولاية. Rapprocher et aimer. Donc هذا المؤمن qui va appliquer هذا التوحيد فتحبه الموالاة فيه وتكفير من تركه. من ترك ماذا؟ تكفير من ترك ماذا؟ نعم. والتكفير من ترك أي ترك التوحيد. الأمر الثاني. Deuxième point. الإنذار عن الشرك. الإنذار عن الشرك في عبادة الله. أي صبر إخوة هذا. Faire du shirk. نعم. Ne pas faire de shirk. الإنذار عن الشرك في عبادة الله. والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه. ما معنى قوله رحمه الله والمعاداة فيه؟ لا، المعاداة فيه. C'est le contraire de الولاية. الموالة، المعادة. Ça vient de العداوة. Ça vient du معدو. أي الموحد لا يحب المشرك. كذلك؟ نعم، الابتعاد. On avait dit que العداوة أصلها البغض والبعد. الولاية أصلها المحبة والقرب. أي aimer et se rapprocher. وتكفير من فعله. من فعل ماذا؟ الشرك. تكفير من أشرك بالله عز وجل. Et tout ça, on avait dit أن مثل هذه القواعد من حيث الإطلاق. أما التطبيق على الأشخاص فسي autre chose. لأن التكفير له شروط، له موانع، وله كذلك أهله، أي الذين يحكمون على المعين، على الشخص. لكن مثل هذه القواعد العامة تستفيد منها. أما application أنتل هذا شيء آخر. ريفيزي مثل هذه القواعد، صدقت متخزي هذا، avec الأدلة، avec la compréhension de أهل العلم، لأن هذا أصل الدين، c'est la base. Et tout ce qu'on verra dans cette risala, c'est fondé sur cette base. Réviser, akthar, et essayer d'apprendre un dalil pour chaque point. Là, c'est important, vite, pour at-talib. Il a cité un dalil qui regroupe ces deux points. Mahou, le Cheikh Nedmi, rahmatullah alayhi. Il a cité un dalil qui regroupe ces deux points. Mahou. Naam. Allah ne l'a pas cité, lakin. دليل في موضع وعبد الله ولا تشرك به شيئا. Un dalil qu'il a cité, عندك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أحسنت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله. فلا بد ces deux points. الكفر بالطاغوت أي s'écarter du shirk, détester le shirk, avoir la conviction que le shirk c'est باطل. Et l'iman billah, ay at-tawhid. Faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa, ay al-islam, al-shahada. Et c'est ce qu'on va détailler akthar, incha'Allah ta'ala, dans le dars d'aujourd'hui. Man 'indahu shay, avant qu'on passe aux shurut, c'est important, hada. Ay, tout le monde doit maîtriser ce qu'on a vu dans le chapitre précédent. Léana, vous allez remarquer que tous les chapitres, ils sont liés. Si t'as pas compris une chose, ça t'atabad. Donc, celui qui a pas compris, ou inda wishkal, yatafaddal, ou nabda. C'est واضح. Qala al-mu'allif rahimahullah, shurut la ilaha illallah. Hadi shurut, awwal man jama'aha, al-imam al-allama, Sheikh Abdurrahman, rahmatullah alayhi, le petit-fils de Sheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab. وهي ماخوذه من الكتاب والسنه لكن les regrouper et citer premier شرط العلم le contraire du jahl le deuxième اليقين le contraire de الشك الى اخره فاول من جمعها هو الامام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عليه قال الاول العلم بمعناها نفيا واثباتا نقرا الشروط ثم On lit l'explication de Sheikh Najmi et il a détaillé wahidan wahida. قال الثاني اليقين وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب. الثالث الإخلاص المنافي للشرك. الرابع الصدق المنافي للكذب. الخامس المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك. السادس الانقياد لحقوقها. وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته السابع القبول المنافي للرد سات كونديسيون وبعض أهل العلم يغجوت une huitième condition qu'on verra inshallah à la fin. Avant de détailler قليلا ces شروط Sheikh Najmi رحمه الله il cite deux points importants par rapport à la ilaha illallah. المعنى le sens والأركان أي أن هذه الكلمة لفوندي سور دو بيلي إيسا كذلك سي مهم إي فو فيغي كو سي ليي افيك لو درس بريسيدون قال معناها لا معبود بحق إلا الله سي سا معنى لا إله إلا الله سيت كلمة كو شاك مسلم يدوا برونونسي لها معنى إن معنى عظيمة سي با إن سامبل بارول كون برونونس سان كومبخوند لا على أن سانس On verra كذلك بإذن الله عز وجل أن هذه الكلمة لدي نواقض أي دي الشوز كي لانول دي زانولاتيف cette كلمة لها فضل عظيم cette كلمة لها فوندي سور دي بيلي كذلك cette كلمة كثير من أهل الباطل فسروها بمعنى باطل beaucoup de d'égarés ils ont expliqué cette كلمة avec une mauvaise explication et ils se sont égarés ils ont égaré فمعناها الصحيح qui est fondé sur les textes du Coran et de la Sunna ما ذكره هنا رحمة الله عليه لا معبود بحق وبعض العلماء يقولون لا معبود حق إلا الله أي personne ne mérite d'être adoré sauf الله عز وجل قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في النار كلام عظيم. L'essentiel, le but, c'est pas que de la prononcer. Pourquoi? لأن المنافق il la prononce. كذلك. On citera, là, Nasta'ajil, il a cité Al-Adilla Sheikh Najmi wa Ida Ja'aka Al-Munafiqun Qalu Nashhadu Innaka La Rasulullah ila akhirih. On citera hada. C'est un bref aperçu avant de rentrer dans le mawdou. Fal-Munafiq, à l'époque du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Il témoignait de hada. Lakin ma nafa'athu. Pourquoi lui a pas été utile? Indaman, il y a un problème là. Ça te montre, ce n'est pas tous ceux qui disent La ilaha illallah, innahum yantafi'un bihadhihi al-kalima. Qu'est-ce qui s'est passé? Indak? Na'am, kadhalik, par rapport à la kalima elle-même. Et par rapport au fait qu'il disait La ilaha illallah, limada n'a pas été accepté. Et cette parole elle-même. Ahsant, la yaquluha bisidq. C'est des munafiqoum, et ils ont fait apparaître l'islam avec cette shahada. Et c'est des kuffars en réalité, c'est pour ça qu'on l'appelle hypocrite, munafiq. Et d'autres, ils ne l'ont pas dit. Ils n'ont pas prononcé cette kalima. L'anna al-munafiq, il l'a dit, il a un but précis. Il n'est pas sadiq. Son but, ce n'est pas satisfaire Allah Azza wa Jalla. Son but, ce n'est pas se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Son but, ce n'est pas al-jannah. Là, il l'a dit pour des choses de dunya. Pour préserver son sang, pour ne pas se faire combattre, pour vivre avec les muslimin, il a akhir. Quand les muslimoun, ils ont eu la qawwa, une dawla, fal munafiqoun kharaj. Mais ma'adha li annahum, ils ont eu peur des muslimin, ils ont fait apparaître l'islam. Donc il lui a manqué ma'adha dans son kalam, la ilaha illallah, indak. Répète, qu'est-ce qui lui a manqué dans la ilaha illallah, pourquoi elle n'a pas été acceptée? Sincérité. Non, annahu, il n'était pas sincère, il n'était pas sadiq, il n'était pas véridique. Il l'a dit hakada. Il ne l'a pas dit pour Allah Azza wa Jalla, il l'a dit pour quelques bienfaits de dunya. Iyadam billah. Qala Sheikh al-Islam, walakin al-murad qawluha ma'a ma'rifatiha bil-qalb, wa mahabbatiha wa mahabbati ahliha, wa bughd man khalafaha. Kalam jamil. Anna cette kalima, elle sera utile pour le mu'min, awalan si connaît le sens. Kam min al-nas l'an, ils disent la ilaha illallah, ils connaissent pas le sens à cause de ce jahl. Ils adorent des tombes, ils égorgent pour des morts, ils vont voir des sorciers, ils insultent Allah. Mais un homme, ils disent La ilaha illallah. L'obstacle entre eux et le fait de profiter de cette kalima, c'est le jahl. Et Obama, ils la contredisent. Iyadam billah. Qala, wa mahabbat ahliha. Kadhalik, celui qui dit La ilaha illallah, s'il connaît le sens, il va aimer ceux qui la disent. Dit Annahum, c'est des frères. Innama la mu'minuna ikhwa. قال وبغض من خالفها celui qui connaît le معنى et qui connaît ces shurut qu'on va citer automatiquement il détestera ce qui la خالف لماذا لان الام pour Allah il déteste pour Allah مثلا كافر qui dit pas cette kalima il va le détester لماذا لان il sait que cette kalima c'est asl al-din comme on a vu dans le dars précédent c'est ça la ilaha illallah حب وبغض ولا وبراء bien sûr ilm wa amal amma mujarrad qawlaha. Et Robama, cette personne qui prononce, il ignore tout de cette kalima. Robama, il la contredit. Robama, il déteste mu'minin. Robama, il se rapproche des kuffars. On a cité ce kalim pour vous montrer l'importance de ces shurouts. Hadi al-kalima, le muslim, il doit lui donner du temps. Il doit lui donner de l'importance. Ses forces, il doit les mettre. Fi fahm hadi al-kalima. Tout ce que vous avez lu ou entendu sur le jihad du prophète alayhi salatu salam, tous ces morts, toutes ces batailles, c'est par rapport à cette kalima, rien d'autre. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ils ont refusé. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a combattus. Tout ce que tu vois là, fait le sira' bayna al-iman wa al-kufr, c'est par rapport à cette kalima, rien d'autre. Donc le mu'min, il doit donner de l'importance. Wa min huna, tu comprendras jahlu. من ترك هذا العلم يبير سنتان dans autre chose كالفرق الضالة بعضهم يباس des heures في المساجد كجهال جماعة التبليغ ربما يواجه des kilomètres des centaines des milliers de kilomètres et ça demande des sacrifices ils délaissent leur famille gaspillent de l'argent إلى آخره لكن من بسبب جهلهم aucun effort في هذه الكلمة خرافات et des rêves et قصص et جهل. Le muslim donne de l'importance à هذا. قال الشيخ سليمان رحمة الله عليه في تيسير العزيز الحميد ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا إله واحد وهو الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Vous avez remarqué que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il démontre pourquoi il a envoyé Ar-Rusul. Pourquoi il a envoyé ce Rasul sur terre. Que ce soit Ibrahim alayhi salam ou ceux qui étaient avant Ibrahim min al-Anbiya ou après, comme Moussa alayhi salatu salam ou Isa ou notre prophète Muhammad sallallahu alayhi salam, kulluhum, il les a envoyés subhanahu wa ta'ala pour une chose, qala illa nuhi ilayhi. Et Allah il le révèle à tous ses messagers, أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Ça te montre أن معنى هذه الكلمة c'est العبادة. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. C'est pas l'explication de certains. Ils ont compris de cette كلمة لا إله إلا الله أي أن le créateur c'est Allah. لا شك أن le créateur c'est Allah. لكن est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé les messagers pour هذا أبدا. Il va détailler. قال مع قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Si tu rassembles ces deux versets, tu auras une معنى عظيمة. Le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé les messagers pour la ilaha illallah. Le deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé à chaque umma un messager. Et dans ce verset, il explique la ilaha illallah. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. C'est ça معنى لا إله إلا الله. Adorer Allah, s'écarter du shirk. قال فصح أن معنى الإله هو المعبود ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش. Ce كلام il est جميل. لماذا؟ لأن العلامة الشيخ سليمان رحمة الله عليه il te cite la preuve. Avec deux versets, tu comprends le معنى. Et personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. لا معبود حق إلا الله. ثم il te cite un مثال. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour bien comprendre هذه الكلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم les kuffars Quraysh قولوا لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته bien sûr il a commencé par tawhid. Et beaucoup de hadiths démontrent أنه il disait aux gens قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Dites لا إله إلا الله تفلحوا, vous réussirez في الدنيا وفي الآخرة. قالوا, qu'est-ce qu'ils ont répondu? كما قال الله جل وعلا في القرآن أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. Qu'est-ce qui fait le lien entre معنى لا إله إلا الله et ce verset? Et vous allez voir que tu vas comprendre لا إله إلا الله et tu vas comprendre pourquoi كفار قريش ils l'ont pas dit. Et tu as compris pourquoi les munafiqun ils l'ont dit alors que c'est des kafara. Enfin, tu auras l'explication ou la compréhension de la ilaha illallah, tu sauras pourquoi le kafir il l'a pas dit et tu comprendras pourquoi le munafiq il l'a dit et lui est d'aucune utilité. Indaman faddal Isa aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Fi hadhihi al-aya mushrik al-kafir fi al-haqiqa, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont al-mushrikun, quand ils ont entendu le nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul qulu la ilaha illallah, dites la ilaha illallah, fi al-haqiqa ils ont compris le ma'na. Pourquoi? Les annahum, c'était des Arabes. Quraysh. Le Coran, il est descendu avec leur langue. Enfin, ils comprenaient. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, Qulu la ilaha illallah, ils ont tout à fait compris le kalam. Contrairement à certains ignorants aujourd'hui. Les annahum, ils sont très loin de la langue arabe. Fallait, enfin, tfaddal. Ou, je reformule la question différemment. Pourquoi ils ont pas dit la ilaha illallah? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Qulu la ilaha illallah. Et eux, ils ont été étonnés. Limada. Tfaddal. De faire le jam de toutes leurs associés en un seul ilah. En un seul ma'boud. Ou un seul ilah. L'ilah, c'est le ma'boud. Donc, ha'oula, al-mushrikin, ils ont compris min qawl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu il fallait délaisser toutes les divinités. Donc ils ont compris Mada, si ils doivent délaisser toute leur divinité, ils doivent faire quoi? Ahsan, adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Ça te montre que les mushrikins, ils ont compris la ilaha illallah. Quand ils ont entendu la ilaha illallah, ils ont compris automatiquement, il faut délaisser toutes les statues, adorer Allah. La ma'bouda bihaq illallah. Ils ont compris. Ça les a étonnés, ils n'ont pas voulu la prononcer, iyadam billah. Al-munafiq, il a compris hada kadhalik. Et c'est un kafir comme ha'oula, lakin, vu qu'il y avait une maslaha dunyawiya pour lui, il l'a dite. Lakin, sans être sincère, sans être véridique. Et il l'a dit pour pouvoir vivre fil Medina, pour pas se faire combattre, pour pas. Il a akhiri. Fahimtum. Al-mu'min, il l'a dit, ou si il l'a dit plutôt, il doit la comprendre. Ne pas adorer de mort, pas adorer de wali, pas égorger pour un tel, ne pas aller voir les sorciers. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, elle lui sera utile. Vous avez compris la gravité d'expliquer cette kalima, la ilaha illallah, par personne ne crée sauf Allah. Oh, il n'y a pas de créateur sauf Allah. Al-Kuffar, ils n'ont jamais renié ça. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Si tu leur demandes qui c'est qu'ils a créé, ils diront Allah. Ils ne vont jamais dire c'est la statue. Le problème qu'ils ont eu, c'est fait l'ibad. Expliquer la ilaha illallah par tawhid al-rububiyya, c'est grave. Et c'est min al-jahl. Al-Muslim, il doit reconnaître Allah comme Rabb. Ça, c'est clair. La bud. Lakin, cette croyance, elle sera utile s'il unifie Allah subhanahu wa ta'ala fait l'ibad. Qala Sheikh Suleyman. Wa huwa innama da'ahum ila la ilaha illallah. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a appelés à quoi? A la ilaha illallah. Dans le hadith, qulu la ilaha illallah. قال فهذا هو معنى لا إله إلا الله وهو عبادة الله والترك عبادة ما سواه وهو الكفر بالطاغوت وإيمان بالله. C'est ça cette معنى que كفار قريش ils ont compris. Donc كفار قريش leur كفر il est pas à la jahl. لا c'est un كفر عناد. Ils ont compris, ils ont rejeté بعلم. مفهوم. Le résumé de tout ça, c'est que l'explication de la ilaha illallah, personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. La ma'bouda haqqun illallah. Et on a cité quelques preuves. Et Cheikh Najmi, vous verrez dans Al-Kalam qu'on va lire, Inch'Allah, il a cité beaucoup de preuves kadhalik dans l'explication des shurut. Deuxième point important, ruknaha, les deux piliers. Ar-rukn, c'est le pilier. Arkanu al-islam, les piliers de l'islam. Cinq piliers. Al-shahada, la ilaha illallah, deux piliers. Qala Sheikh Najmi rahmatullah alayhi, an-nafi fi qawlihi la ilaha wal-ithbat fi qawlihi illallah. Ces deux arkanes vont t'aider à comprendre al-ma'na. La ilaha, nafi. Et nafier l'ibad. Personne ne mérite d'être adoré. C'est un nafi. Ils traduisent par négation. Illallah, ithbatun. Et c'est une affirmation. Celui qui mérite d'être adoré, c'est Allah. Alors, au bout de ces deux choses, nafi wa ithbat. Et c'est ça le tawhid. Le tawhid, il est fondé sur un nafi wa ithbat. Les anna mujarrad nafi, comme on explique souvent, comme ils expliquent Ahlul Ilm, anna mujarrad al-nafi, si on dit personne est dans cette maison, il n'y a personne. Ce n'est pas du tawhid. Mujarrad al-ithbat, si on dit Fulan est dans la maison, ça ne veut pas dire qu'il est seul. Il peut avoir un tel dans la maison et un tel et un tel et un tel. Si tu dis personne est dans la maison sauf Fulan, ça te montre qu'il est tout seul dans la maison. Ça, c'est ça pour comprendre al-nafi wal-ithbat. Al-nafi wal-ithbat, ça te donne al-tawhid. Fa la ilaha nafiun illallah ithbatun, ça te donne al-tawhid. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui mérite l'adoration. La malak, muqarrab, la nabi, mursal, la fadil, la salih, la alim, personne ne mérite l'adoration. Illallah subhanahu wa ta'ala. Qala fa la ilaha nafat الألوهية عن كل أحد سواه وإلا الله أثبتت الألوهية لله وحده لا شريك له. هذا واضح أظن. أي أن لا إله c'est un nafi, أي que personne ne mérite d'être adoré. إلا الله إثبات أن cette adoration elle est réservée exclusivement à Allah عز وجل. Et c'est ça التوحيد. لا إله إلا الله نفي وإثبات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في الفتاوى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بالنفي مع الإثبات التحقيق pour que cette شهادة elle soit valide, elle soit correcte لابد من نفي وإثبات نفي إلهية غيره مع إثبات إلهيته. Ça, c'est là, Bouddha Minou. Ça te montre, hein, si tu as compris un nafi ou l'ithbat, celui qui dit la ilaha illallah, normalement, il doit comprendre le ma'ana. S'il dit la ilaha illallah, automatiquement, il doit comprendre un celui qui mérite l'adoration, c'est Allah. Et s'il est à la ilm, il saura que cette kalima est fondée sur un nafi ou l'ithbat. Deux piliers. Est-ce que, ba'da hada, il va adorer autre qu'Allah? Abadan. S'il adore autre qu'Allah, il se contredit. Il dit une kalima et il fait l'inverse. Chaque musulman, il témoigne annahu la ilaha illallah. Celui qui adore une tombe, il s'est contredit. Il dit la ilaha illallah, personne ne mérite d'être adoré sauf Allah, il adore un mort. C'est pour ça que hadi al-kalima a des shurut, et sans ces shurut, elle n'est pas valable. Il dit cette kalima, thumma, il sacrifie pour un mort, pour se rapprocher. Ou pour que ce mort, il lui écarte un mal. Ça contredit la ilaha illallah. لِأَنَّ لَا إِلَهَا إِلَى اللَّهِ Toutes tes adorations, c'est que pour Allah. الذبح c'est une عبادة. مَنْ ذَبَحَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كما حديث علي رضي الله عنه. فالتحقيق الشهادة لا بد من هذا. Connaître le معنى, connaître les deux piliers, et les deux piliers في الحقيقة c'est le معنى. نفي وإثبات, أي لا معبود بحق إلا الله. ثم connaître les conditions. Celui qui comprend hada, qui étudie hada, qui fait des efforts fi hada, inshallah, qawluhu la ilaha illallah, il aura une saveur. Ça facilitera l'amal, il détestera le shirk ou le mushrikin. Amma lil asaf kathirun min al-nas, ils disent cette kalima et ils lui ont donné aucun temps, aucun effort. C'est pour ça qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi, maintenant, on n'est pas d'accord. Et on déteste ceux qui sacrifient pour autre qu'Allah, ceux qui font tawaf autour des tombes, ceux qui vont voir les sorciers. Ils n'ont pas compris cette kalima. Falihada, pour eux, il n'y a aucune contradiction. Limadha li anna kathiran minhum, ils ont compris de la ilaha illallah, anna Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le Rabb. Pour lui, si tu es convaincu que Allah c'est lui le créateur, tu es un musulman. Alors que Iblis, il reconnaît hada. Kuffar Quraysh, ils ont reconnu hada. Le problème, as-sira' il était fait tawhid al-ibad. Kuffar Quraysh, ils ont compris de cette kalima, annahum, pour entrer dans l'islam, ils doivent délaisser toutes les idoles. Ils n'ont pas voulu. Comme a dit l'orgueil, at-ta'assub, le suivi de leurs ancêtres, ils n'ont pas pu dire hada. Donc, ils se sont accrochés à leur kuffre et ils ont refusé de dire la ilaha illallah. Limadha li annahum, ils ont compris le ma'na. Al-Munafiqoun, comme on l'a dit, ils l'ont dit, lakin, c'est pas pour Allah. Elle n'aurait d'aucune utilité. Tu trouves un autre qism, ils la disent, lakin, ils la contredisent, layl nahar. Al-Rawafid, mathalam. Ils disent, la ilaha illallah, ils adorent les tons. Ya'taqidouna fi a'immatihim, annahum, ils ont une daraja plus élevée que l'anbiya wa rusul. Ils ont une aqida, anna leurs imams, ils connaissent le ghayb. Ya'ta'anouna fi sahaba, ils disent que le Coran, il a été falsifié. من أين مثل هؤلاء المجرمين لا إله إلا الله صفى له أتغيطل أبدا. قال الشيخ سليمان رحمة الله عليه, الشيخ سليمان إليه قوي جدا في التوحيد, صاحب تيسير العزيز الحميد, اعتنى كثيرا رحمة الله عليه بهذا التوحيد dans son livre التيسير, تيسير العزيز الحميد, شرح كتاب التوحيد, et dans درر السنية إلى دي مقالات كثيرة في هذا رحمة الله عليه. قال فتبا لمن كان أبو جهل ورأس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بلا إله إلا الله. تبا له أي ينكر الشيخ سليمان رحمة الله عليه, أي كمان سوء مسلم أو سوء personne qui se prétend مسلم, أبو جهل رأس الكفر le pire de cette communauté, annahu, il connaît la ilaha illallah mieux que cette personne. Qui est musulman et qui doit donner de l'importance à hada? On a déjà expliqué le verset. Il cite un deuxième verset. Qala Allah ta'ala, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna latariku alihatina li sha'irin majnun. Qui c'est qui fait le lien? C'est comme le verset précédent. Le verset précédent, أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَاهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Quand ils ont entendu le prophète sallam leur ordonner de dire « La ilaha illallah », ils ont répondu « Est-ce que on doit délaisser toutes nos divinités ?»« إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. » Ils ont dit « هَذَا c'est عجيب. » Ils ne l'ont pas suivi. « كَفَرُوا. » Deuxième verset, « إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. » Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur disait « Dites la ilaha illallah, yastakbirun. » L'orgueil. Et ils ne répondaient pas à l'appel. Ils ne disaient pas « La ilaha illallah. » « لِمَاذَا وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. » Qu'est-ce qu'ils ont répondu ? La même chose. Ils ont compris qu'il fallait délaisser « Mada » « عندك ?»« آلِهَتُهُمْ. » Et c'était quoi leur aliha? Ils adoraient quoi? Al-Asnam, al-Awthan, les statues. Ils ont compris que pour que la ilaha illallah soit accepté et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les combat pas, ils doivent dire la ilaha illallah et délaisser al-shirk, délaisser leur statue. Wa yaqulun a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun. Donc normalement chaque musulman qui dit la ilaha illallah, automatiquement il doit comprendre hada. Je dis la ilaha illallah, je suis rentré dans l'islam, je suis un musulman, j'adore que Allah. Ni wali, ni fulan, ni allan, abadan. Qala Cheikh Sulayman, fa'arafu annaha taqtadi ay al-kalima tarku ibadati ma siwa Allah wa ifradu Allah bil ibada wa hakadha yaqul 'ubad al-qubur. Ils ont compris haoula kuffar quraish. Si ils disent la ilaha illallah, ça va impliquer quelque chose de azim. Ils doivent délaisser toutes les statues. Thumma, iyadam billah, l'orgueil est rentré dans leur cœur. Et at-ta'assub lil aba wal ajdad, ils avaient deux solutions. Imma, ils délaissaient les statues, ils délaissaient la voix de leurs ancêtres, ils suivaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tawhid. Imma, ils délaissaient la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils restaient sur la voix de leurs ancêtres. Et ils ne délaissaient pas les statues. Iyadam billah. Walhamdulillah, kathir minhum, ils ont cru. Wa ba'duhum, ils sont morts à la kufr. Qala, wa hakadha yaqul 'ibad al-qubur, idha talabta minhum ikhlas ad-da'wa wal 'ibada lillah wahda, anatruk sadatana wa shufa'ana fi qada'i hawa'ijina. Hakadha idith. Si tu lui dis, limada tu sacrifies pour une tombe? Limada tu voyages et tu fais tawaf à cette tombe? Limada tu demandes à cette tombe? بعضهم تعلمون في الركوع السجود الطواف بعضهم quand ils ont un proche de malade ils vont vers cette tombe et ils demandent aux morts ya sidi fulan shirk billah azza wa jalla. Si tu lui dis mais pourquoi tu dis la ilaha illallah, si tu es un musulman tu dois dire la ilaha illallah et délaisser هذا الشرك هذا الكفر, qu'est-ce qui va te répondre en général هؤلاء المتعصبه من القبوريين انترك سادتنا, est-ce qu'on va délaisser sidi fulan, on va délaisser la voix de nos parents? Nous, on fait ça, c'est que pour l'intercession, al-shafa'a, et, ayyadam billah, ils s'égarent comme ils se sont égarés, kuffar Quraysh. Le Cheikh al-Islam, fil qawaid al-arba'a, kama taqaddam ma'ana, il a démontré à kuffar, zamanina, mushriku zamanina, ils sont pires que l'awa'il, que l'awaloun. Amma l'awaloun, il faisait du shirk fi al-shidda, et fi al-racha, yukhlisuna lillah. Amma al-muta'akhiroun, fi al-racha wa fi al-shidda. Dans l'aisance, dans la difficulté, ils font du shirk, ayyadam billah. هذه الشروط مهمة. إن شاء الله le prochain درس نبدأ et on commencera l'étude de ces شروط. أما ce درس il est مهم. On a expliqué معنى لا إله إلا الله. شيخ النجمي رحمة الله عليه il a cité le معنى. On a cité الأركان et كذلك on a cité les versets pour montrer l'importance de comprendre المعنى. والله المستعان نكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد والحمد لله. ريفيزي faites plus d'efforts dans la révision, révisez بقوة باجتهاد, donnez du haqq à ce genre de livre, faites pas une révision va vite là, donnez du temps, penche-toi et chaque mot, chaque jumla tu révises. La ma'bouda bihaq ad-dalil, qu'est-ce que ça veut dire, ila akhiri, ça t'estafid. On dit ça, c'est pour vous, ça va être utile bi-ithnillah. Pensez à daiman, dès que vous faites muraja'a, dès que vous faites un livre, ka'annahu c'est le dernier, Tu ne sais pas, Roubama, tu meurs demain, Roubama, tu n'as plus de doros, Roubama, beaucoup de choses qui peuvent arriver. Faites les doros, Ka'anna, tu ne vas plus jamais le refaire. Hatta tajtahid. Et tu mets la barre haute. Tu as fini ce livre, Inch'Allah, on fait un deuxième et on avance. Ils font des doros, et ils ne révisent pas. Ou ils ne révisent pas assez. Ou ils ne font pas assez d'efforts. Et le shaitan, il est trop minhad al-bab et il lui fait croire que tu vas refaire ce dors. C'est pas grave la prochaine fois. Mais fais des efforts. Et au lieu de refaire, on ne fait pas maintenant ces doros, on ne les fait pas avec une mouraj à Tayyiba et on ne fait pas assez d'efforts et on doit les refaire encore une fois, seulement une fois. On va perdre notre temps. Mais si on le fait bien une fois, c'est maîtrisé. Un deuxième livre. Thumma on monte, walillahi alhamd. Thumma une autre matière. Et profitez-en, c'est une ni'ma. Une ni'ma adhima. Faites al-muraja'a akthar. Hatta c'est maîtrisé. Et donnez de l'importance au adillah. C'est muhim. Et les versets qu'on a cités, ils sont importants. Rabbana ba'dukum, ils les ont pas notés. Enfin, les frères qui les connaissent, ils leur donnent la référence. Ah voilà, je vous les donne l'an. Ces deux versets qui sont importants pour comprendre ma'ana la ilaha illallah. Min surat Sad, le premier qu'on a cité, aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Ils ont été étonnés qu'ils devaient unifier Allah subhanahu wa ta'ala fil ibadah et délaisser toutes leurs statues, toutes leurs idoles. Ça c'est min surat Sad, verset numéro 5. Le deuxième, on vous donne le numéro, min surat Safat, verset numéro 35, 36 Safat. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. Et les deux versets pour la ma'na, ces deux versets qu'on a cités, vous les mettrez dans le haqiqa après. Ça te montre que Kuffar Quraysh, ils ont délaissé et c'était le sens. Les deux versets qu'on a cités juste avant, وما أرسلنا من قبلك من رسول, Surat Al-Anbiya, verset numéro 25. Al-Anbiya, numéro 25. Et le deuxième verset qui explique هذا ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت النحل سوره 36 النحل verset 36 sourate an-nahl avec ces quatre versets celui qui peut pas les apprendre l'amr sahl ça veut pas dire que vous devez tout apprendre par cœur là ils sont cités fi kitab tawhid pour celui qui apprendra inshallah kitab tawhid ou كثير منها لكن au moins tu as les versets sous les yeux. Et celui qui peut les apprendre, fatayib, ahsan. Les notes, c'est ces notes que vous devez prendre. Un verset qui n'est pas cité, tu le rajoutes. Un ijma' qui est cité, une correction. Ah, mais tout noté, il n'y a pas de faïda. Il n'y a pas de faïda. Nous, on ne fait que détailler qalilan la parole de Sheikh Najmi. Et là, ce qu'il a cité, il y a que fille. Al-ma'na, la ma'boud, bi haqqilallah, les deux arkan, avec l'adillah qui appuie le ma'na, il y a que fille. C'est ça le muraja'a. Hayyakum Allah.